Le monologue de Lisette dans Louison de Musset. Acte 1, scène 1. Lisette, seule. Me voilà bien chanceuse. Il n'en faut plus qu'autant. Le sort est, quand il veut, bien impatientant. Que les honnêtes gens se mettent à ma place et qu'on me dise un peu ce qu'il faut que je fasse. Voici tantôt 20 ans que je vivais chez nous. Dieu m'a faite pour rire et pour planter des choux. J'avais pour précepteur le curé du village. J'appris ce qu'il savait, même un peu davantage. Je vivais sur parole et je trouvais moyen d'avoir des amoureux, sans qu'il m'en coûtât rien. Mon père était fermier, j'étais sa ménagère. Je courais la maison, toujours brave et légère. Et j'aurais de grand cœur, pour obliger nos gens, mener les vaches paître ou les dindons au champ. Un beau jour, on m'embarque, on me met dans un coche, un paquet sous le bras, 10 écus dans ma poche. On me promet fortune et la fleur des maris. On m'expédie en poste et je suis à Paris. Aussitôt, de paniers largement affublés, de taffetas vêtus et de poudre aveuglée, on m'apprend que je suis gouvernante séant. Gouvernante de quoi? Monsieur n'a pas d'enfant. Il en fera plus tard. On meuble une chambrette. On me dit « Désormais, tu t'appelles Lisette ». J'y consens et mon rôle est de régner en paix sur 3 filles de chambre et 9 ou 10 laquais. Jusque-là, mon destin ne faisait pas grand-peine. La maréchale même, au fait, c'est ma marraine. Sa bru, notre duchesse, a l'air fort innocent, mais monseigneur le duc, alors, était absent. Ou, je ne sais pas trop, à la noce, à la guerre. Enfin, ces jours derniers, comme on y pensait guère, il écrit qu'il revient, il arrive, et ma foi, tout juste, en arrivant, tombe amoureux de moi. Je vous demande un peu quelle étrange folie. Sa femme est sage et douce autant qu'elle est jolie. Elle l'aime, Dieu sait, et ce libertin-là ne peut pas bonnement s'en tenir à cela. Il m'écrit des poulets, me compte des fredaines, me donne des rubans, des nœuds et des mitaines. Puis enfin, plus hardi, pas plus tard qu'à présent, du brillant que voici veut me faire présent. Un diamant, à moi, la chose est assez claire. Or, de l'argent comptant, que diantre en puis-je faire? Je ne suis pas duchesse et ne puis le porter. Ainsi, tout simplement, monsieur veut m'acheter. Voyons, me fâcherai-je? Il n'est pas très commode de les heurter de front, ces tyrans à la mode. Et la prison est là, pour un oui, pour un non, quand sur un talon rouge, on glisse à Trianon. Faut-il être sincère et tout dire à madame? C'est lui mettre d'un mot bien du chagrin dans l'âme. Troubler une maison, peut-être pour toujours. Et pour un pur caprice, en chasser les amours. Vaut-il pas mieux agir en personne discrète et garder dans le cœur cette injure secrète? Oui, c'est le plus prudent. Ah, que j'ai de soucis! Ce brillant est gentil, et monseigneur aussi. Je vais lui renvoyer sa bague à l'instant même, ici, dans ce papier. Ma foi, tant pis s'il m'aime. Fin du monologue de Lisette.